Comment Maria Felipa est devenue une héroïne nationale au Brésil? Le 26 juillet 2018, une loi fédérale a déclaré Maria Felipa de Oliveira héroïne de la patrie au Brésil. Son nom a été inscrit dans le livre des héros et héroïnes de la nation, conservé dans le panthéon de la patrie et de la liberté Tancredo Neves. Ce monument, réalisé par Oscar Niemeyer, est situé à Brasilia, la capitale du pays. Maria Felipa est un personnage très populaire à Bahia. Chaque année, lors des manifestations qui commémorent l'indépendance du pays, il y a toujours au moins une femme qui l'incarne et son histoire est racontée ou chantée dans toute la province de Bahia. Née sur l'île d'Itaparica, à une date inconnue, Maria Felipa est morte en 1873. Pour survivre, cette femme noire, descendante d'esclaves, fut contrainte, dès son plus jeune âge, de travailler comme ramasseuse de coquillages. Le 7 janvier 1823, alors que la guerre d'indépendance faisait rage, Felipa aurait héroïquement défendu son île contre les Portugais. Considérée comme la chef des Vedetas, les sentinelles qui surveillaient jour et nuit les bateaux ennemis, elle aurait creusé des tranchées pour stopper leur entrée, ce qui aurait contribué à la capitulation du Portugal quelques mois plus tard. Certains récits ajoutent que Maria Felipa aurait participé directement à la grande bataille du 7 janvier 1822. Elle aurait utilisé les vêtements amples qu'elle portait pour cacher des armes, en l'occurrence le couteau qui lui servait à récolter des coquillages. Elle aurait participé aussi à l'incendie de navires portugais en lançant des torches depuis le canoë qu'elle conduisait elle-même. 200 ans après les faits, sur l'île d'Itaparica, Maria Felipa vit encore dans la tradition orale et la mémoire collective. Pourtant, il n'existe aucune preuve matérielle qui démontrerait qu'elle a réellement existé. Aucune archive, aucun document historique n'atteste des actes qui lui sont attribués. Pourtant, les sources écrites mentionnent la bataille du 7 janvier 1822. Les Portugais tentèrent en vain ce jour-là de débarquer sur l'île avec 40 barges, 2 brigades de guerre et des canonnières. Après 3 jours de combat, les Baianais remportèrent une bataille décisive car l'île d'Itaparica était un endroit stratégique. Elle se trouvait en effet sur le chemin par où entraient la plupart des aliments qui approvisionnaient la ville de Salvador, la capitale de la province de Bahia. Bien que de nombreux auteurs continuent à croire que Maria Felipa a réellement existé, certains historiens affirment que ce personnage est apparu pour la première fois dans un roman de Ubaldo Osorio Pimentel, publié plus d'un siècle après la guerre d'indépendance. Finalement, que Felipa ait existé ou non, ce n'est pas le plus important. Ce qui compte vraiment, ce sont les raisons qui expliquent la popularité d'un personnage considéré comme un modèle de femme noire, travailleuse et courageuse. Dans la mémoire collective, Maria Felipa incarne le combat victorieux que mena le peuple brésilien pour son émancipation. Combat qui rassembla des hommes et des femmes, des Indiens, des Noirs libres et des esclaves, et même quelques Portugais.